Bonsoir. Je suis très heureux ce soir d'écouter l'improbable podcast avec vous. Chers auditeurs et auditrices, le gouverneur Mayer Charles a formé secrètement une escouade direction les planètes jumelles de la coque et des putes. L'objectif est de retrouver l'improbable. Vaisseau de quatrième génération, son équipage ou ce qu'il en reste, et si possible, tenter de les ramener contre une bonne grosse récompense. Le voyage sera long, pénible, et l'espace est le théâtre de multiples rencontres entre les différentes entités qui le peuplent. Afin de soutenir le moral de cette escouade durant ce périple, l'équipage va avoir pour fonction de décortiquer et analyser des news improbables. Les commandants Barberousse et Rio Saiba, anciennement agents de liaison pour le capitaine Spice lors de l'épopée légendaire des 100, ont uni leurs talents pour sélectionner les news les plus improbables des deux derniers mois. Chers amis, l'heure de reprendre les armes est arrivée. Journal de bord du capitaine. Jour 1. Décollage du vaisseau Conrad Hasenfratz, prévu à 10h32 GMT. Il est 10h et il manque la moitié de l'équipage. C'est mal parti cette histoire. Pour mon premier jour, en tant que capitaine de bord, je vais devoir recadrer la moitié de mon équipage. Heureusement que Bigaston est là. Le jeune officier est sorti fraîchement de l'académie. Les plis sur son uniforme en est la preuve. Il est même venu en avance. Il a l'air de bien connaître les procédures de base. Il a fini la préparation de son poste et il a même commencé le travail des retardataires. Un brave type, bien prometteur. Officier Bigaston, comment se déroulent les derniers préparatifs ? La voix de Ilia coupe la réponse du jeune officier et s'adressa directement au capitaine magique. Capitaine Knack, nous sommes à présent à 82% de la préparation du décollage du vaisseau Knack. Il a l'air sympa ce GPS. Il faudrait qu'on le mette à jour pour avoir la voix de gonzesse. Dis-moi, cher vaisseau, comment doit-on t'appeler ? Je ne suis pas un vaisseau, mais je me considère comme une âme vagabonde qui occupe le système Conrad Hasenfratz. Appelez-moi Magiquette. Très bien, capitaine. Une voiture vient de se garer en bas de l'ascenseur. Voici enfin Draven et Dédé Chute. La porte de l'ascenseur s'ouvre et on peut voir que les deux Lascars titubent. Ah, ils sont bourrés en plus. Je vous préviens, s'ils gerbent, ils ramassent. C'est la règle ici. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas moi. J'ai suivi le protocole de l'académie. Je ne me nourris que de plats lyophilisés depuis 2 jours. Sérieux, j'ai jamais fait ça, moi. Vos deux camarades non plus, je suppose. Bon, allons voir ce qu'ils ont à dire pour leur défense. Bonjour messieurs et bienvenue à bord. Bonjour la compagnie créole, alors on décolle, levez la grand voile. On est passé hier avec mon camarade et on a préparé toutes nos affaires. Au fait, je me présente, Dédé Chute, votre vice-capitaine. Bizarre, mais je n'avais pas été averti par l'agence. Oui, enfin bon, c'est en cours d'officialisation, mais le mieux c'est de prendre tout de suite les bonnes habitudes. Oui, oui. Bon, par contre, d'où vous venez là? Vous puez l'alcool, ce n'est pas un état pour se représenter sur le pas de tir. Alors, oui, capitaine, mon capitaine, je me présente, Draven. Je suis mercenaire et main verte de l'équipage. Ça, c'est beau, un bûcheron délicat. Oui, exactement. Et là, avec mon camarade Dédé Chute, on allait se remplir de tout ce qu'on a trouvé pour emporter le maximum de matière organique pour le compost du vaisseau. Il m'a fallu 2 secondes pour comprendre l'intérêt de cette mission. Manger de belles tomates de l'espace ou être condamné à manger des recettes lyophilisées infâmes, notre devoir était de mettre une grosse race avant de partir, mon capitaine. Je dois avouer que c'est pas con. Bravo messieurs, hein, belle initiative. Mais c'est hyper dangereux avec le décollage. Allez, en piste, on décolle. Mais attendez, c'est à moi de dire ça. Mettez vos combinaisons pour le décollage et branchez bien vos recycleurs. L'équipage se mit en place. Le décompte final retentit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, décollage. Bigaston, suivez la trajectoire. Dédé Chute, suivez les différentes jauges. Draven, faites ce que vous avez à faire. Hein. La pression est trop forte, mais ah, ça soulage. Merci, camarade. C'est parti. Direction le module de voyage spatial qui se trouve en orbite. Nous partirons donc direction les lointaines planètes jumelles de Delacoque et des Putes. Ça fait un peu 50 millions d'amis, ce jingle, non ? Exactement. Ouais. Un petit peu, ouais. Merci à France Info. Alors, bienvenue dans cet improbable épisode. Donc, je vous présente donc les chroniqueurs. Donc, c'est le podcast où il n'y a pas de chef, hein, c'est ça ? Non, personne. D'accord. Il y en a pas de leader, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. OK, donc, il y a Big Gaston qui est là. Bonjour. Voilà, Magic Jack. Bonjour. Draven. Salut. Dédé Schutz. Eh ouais, je suis là. Et Knack, votre hôte. Voilà. Donc, pour commencer cet épisode d'Improbable, donc on va débriefer les news qu'on a fait un peu tous chacun. Ensuite, on fera des coups de cœur parce que nous avons un cœur. Et un petit dossier sur la Knack. Voilà. Mais il n'y a pas les rewind ? Ah, mais en fait, les rewind, on comprend pas tout à chaque fois. Mais parce que moi, j'ai un rewind. Attends, il y a quelque chose qu'il faut que je vous fasse écouter. Bon, on dit un truc parce que j'ai jamais compris la grosse différence entre les news et les coups de cœur. En fait, entre les news et les coups de cœur ou entre les news et les rewind. Quoi ? Hein ? Quoi ? Non, mais je vais parler de la Belgique. Mais je reviens dans une heure. Je vais goûter la bière. Bonne idée. Ensuite, ce sera donc à ton tour. Pop. Voilà. Donc je pense que ça c'est une bonne excuse de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les rewinds. Ouais. On n'en sait rien. Non, mais moi j'en ai quand même. Moi je remplace un peu le professeur, donc il me fallait des rewinds. Ah, mais attends, pour qu'il y ait un rewind, il aurait fallu qu'il y ait une émission avant. Mais il y avait des émissions. Il y a eu 100 émissions. C'est avant. Un rewind des 100 émissions. Là ouais. Okay. Alors dans l'épisode 68, épisode intitulé Les enfants stars. C'est pas la meilleure. Non, mais j'avais fait un dossier donc sur les enfants stars. Ah, c'est toi ? Bah oui. Ah, c'est pas meilleur. Hein. Ouais, mais c'est pour ça. Il ferait pas un rewind sur une émission où il a pas participé. Voilà. Et j'avais une news sur que j'ai faite sur la cousine de Barack Obama qui avait été intimidée dans son bureau par ses collègues. Et est-ce que vous saviez pourquoi ? Maisonnette Obama. Non, du tout. Marie Oma, elle s'appelle. Ah oui. Ok. Donc, elle était intimidée par ses collègues qui venaient péter dans son bureau. Tiens donc. C'est toi qui avais fait cette news. Oui, bah oui, quelle question. Pourquoi ne suis-je pas étonné. Donc voilà, il y a deux hommes qui s'étaient dit, allez hop, on va aller venir chez péter elle. Péter chez Obama, pour l'emmerder. Sympa. C'est toujours sympa. Et donc, ils étaient en procès. Et là, quand même, ça allait loin. Bah oui, ça allait loin. Et donc là, deuxième. Là, ça se passe en Australie, de nos jours. Retour en 2019. C'est David Hingst qui a été jugé le 29 mars 2019. Il est cousin de qui, lui ? De monsieur Hingst, de Ingalls. Je crois que c'est ça, moi, le rewind. Non. Ah, okay, c'est pas sur Eliane de... Okay. Non, c'est parce qu'il pétait aussi au bureau. Et la cour d'appel australienne a rejeté le cas d'intimidation, comme quoi ce n'est pas une intimidation. Le fait de péter n'est pas un acte d'intimidation. Voilà. Vous avez le droit de péter au bureau. Ça devrait être inscrit dans la Constitution. Je pense que voilà. Ça c'est une belle info. Que fait le gouvernement, quoi. Donc voilà, si vous voulez emmerder quelqu'un au bureau, allez péter dans son bureau. Ouais, tu dis c'est mon droit. C'est mon droit. Voilà. Et vaut mieux le faire en Australie, non ? Parce que ouais, c'est mieux. Ou alors faut faire une jurisprudence en France. Il n'y a pas de jurisprudence, mais j'y travaille tous les jours. On n'en doute pas. Voilà, c'était pour mon rewind. Voilà, donc le premier rewind des émissions 100. C'est tout. Déjà, c'est un concept. C'est un beau rewind, en tout cas. Exactement. Ah, merci. Ouais. Alors, on va passer à une première, donc une première news. Donc, on va pas commencer par Big Gaston. Bah. Alors moi, aujourd'hui, on va un petit peu réviser nos classiques de la littérature française. Est-ce que tu pourras me lancer le fond sonore Bonne nuit les petits, s'il te plaît ? Il était une fois un voleur et une voleuse vivant dans la charmante ville de Seine-Maritime nommée Fécamp. Un jour, en se rendant à leur centre communal d'action sociale préféré, Fécamp. Et pour des déchutes, ouais. Ouais, ça marche, ça marche. Mmh. Un jour, en se rendant dans leur centre communal d'action sociale préféré, ils entendirent les tenanciers parler du fort prix des percolateurs. C'est quelques nuits plus tard qu'ils décident... Et la mère collateur, non, c'est... Bah, je sais pas, il y avait aussi le frère collateur, ouais, mais okay. Je sais pas s'il était là aussi. Mais voilà, donc quelques nuits plus tard, ils décidèrent de revenir en faisant une attaque sur ce centre, enfin pardon, une intrusion violente, et dérobèrent ces deux engins de tous leurs désirs. Mais dans leur besogne, ils ne se rendirent pas compte que les machines fuyaient, et c'est quelques heures plus tard qu'ils virent arriver, tel le petit pousset chez le bûcheron, des gendarmes qui n'avaient eu qu'à suivre les gouttes de café sur la chaussée pour les retrouver. Mais ils les avaient volés à pied ? Ouais. Ils n'avaient pas une voiture, genre Ils habitaient dans le même quartier, ils habitaient genre à quelques mètres du centre. Ils étaient allés chercher le truc, et ils se sont barrés jusqu'à chez eux. Et ils les ont retrouvés quelques heures plus tard, avec des vivres qu'ils avaient également dérobés, ainsi qu'une caisse enregistreuse, malheureusement vide. Dame Ned. Mince. Le café ne paye pas. Le café ne paye pas. Non, c'est connu. Café crème. Café crème. Alors, on va continuer avec Magic. Qu'est-ce une que news. Tu nous as présenté Alors, moi, je ne sais pas si c'est vraiment une news, mais en tout cas, c'est Guillaume, hein, improbable Guillaume, qui me l'a soufflé à l'oreille. Mais tu le vois toujours, ouais. Même que vous Oui, de temps en temps. Je croyais que vous étiez en froid depuis la fin. C'était pour ça, d'ailleurs, que ça s'était arrêté, voilà. Non Oui, ça, c'est ce qu'on dit dans Voici. Mais la vérité, c'est que pas du tout. Quel dommage. Ouais, j'aime bien coller des petites baffes de temps en temps. Donc, vaut mieux le garder près de toi. Vaut mieux le garder près de moi. Il a toujours son petit air hautain quand il parle comme toujours, oui, il se la raconte toujours à mort. Ouais, tout à fait. Oui, sa femme le trompe toujours. Avec l'archiviste, on avait appris à la fin de exactement. Ses problèmes d'érection sont toujours là. Ouais, sont toujours là. Il perd toujours ses cheveux. Quoi d'autre dire? Mais sinon, je l'adore. Hein. Ouais, bah, oui, sympa. Et il m'a soufflé donc une news. Exactement. Et, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi, je pense que c'est un peu un drame pour notre nation. Mais Thierry Beccaro va arrêter Motus. Absolument. Ah oui, j'ai entendu ça. C'est vrai. Il arrête à la fin de l'année. Quoi. 29 ans, je crois. 29 ans de bons et loyaux services. À trouver la boule noire. Il vire tous les vieux. Là, Patrick Sébastien, il part aussi. Ouais, non, mais là, c'est lui qui s'en va. Il a dit, je quitte le service public. Le journaliste, lui, paniqué, lui dit, mais attendez, il y a quelqu'un pour remplacer. Il a répondu, mais je ne sais pas. Je m'en vais comme un prince. Ah, ça, alors, c'était un journaliste bien fondé. Et là, alors, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, hein, mais aujourd'hui, là, je vais sur Thierry Beccaro, il annonce les amours. Non. Pire. Non, là, on peut vraiment dire pire parce que c'est dramatique. Thierry Beccaro, il a été maltraité dans son enfance. Ah oui, ça j'avais entendu. Ah, ça vous fait moins rire là, tout de suite. Là. Ouais, son père le battait et tout ça. C'est ça, ouais. Donc c'est comme ce brassage de boules, je sais pas si ça avait un. Oh non. Non. Mais comme quoi, tu vois, même les enfants battus. Je vais pas aller sur ce terrain, bien évidemment. Hein, même les enfants battus peuvent réussir. Ouais, voilà, c'est ça. Donc vous, enfants battus qui nous écoutez, sachez qu'un jour vous pourrez finir dans une star de la télévision et jouer Boeing Boeing pendant 22 ans aussi. Parce que ça, je rappelle, ça fait 22 ans que Thierry Beccaro joue Boeing Boeing dans les différents théâtres de France et de Navarre. Et ça fait 22 ans donc de Boeing Boeing et 29 ans Stang, de Motus. C'est pas très diversifié sa vie. Et c'est pour ça qu'il a décidé de changer. Ah, là il a dit, je suis un tournant de ma vie quoi. Ah, je vais jouer du Molière quoi. Si on lui propose hein, ça. Mais il va passer au toutes, toutes les portes vont s'ouvrir à lui là maintenant. Dire, quoi, je pense que ça peut être un exemple pour beaucoup d'entre nous. Ouais. Mais je pense qu'il peut repasser le père Fouras. Ah, des déchutes, ça ah, bah, oui. Voilà. Ouais. Hein, je vais commencer par battre maison. c'est pas ça qu'il faut retenir. Non, bon, de toute façon, j'ai pas d'enfant. On en discute après. J'ai pas d'enfant, donc c'est pas grave. Alors, c'est la fin d'une époque, c'est pas rien. Moi, ça me fait. Ah, ça me touche beaucoup. Hein, ouais. Ça me fait penser à la chanson de Didier Super. Quoi. C'était quand même une émission qui passe vers 10h30, 11h. Vous n'êtes pas au travail à cette heure-ci ? Mais on enregistre. Ah, t'as le replay là. Non, mais attends, bien sûr. Mais il n'y a pas tes collègues qui bossent d'après-midi qui te spoilent le résultat. Mais je leur pète la gueule. Ils n'ont pas intérêt. Ah non, mais il y a Jean-Pierre, il a trouvé un mot de 7 lettres en un coup. Quéquette, ça a fait tout le monde. Et là après. Non, mais il était fort quand même, Thierry Beccaro. Bah, il a tenu plus longtemps que Pyramide. Mais Pyramide, c'est pas un présentateur ça. Non, mais le jeu Pyramide, il a tenu. Ah oui, d'accord, le jeu, oui. Voilà, moins longtemps que Motus, c'est ça que je voulais dire. Avec Barjabul et Mironton. C'est vrai que des souvenirs quand même. J'aurais pas parlé. J'en sens autour de la table, ils se disent, mais de quoi il parle? Où suis-je? Je crois que c'est encore une histoire de génération. Donc bon, c'est probable. Ouais. Les personnes de moins de 34 ans ne connaissent pas. Mais donc voilà le départ de Thierry Beccaro de Motus. Et je pense que c'est, on peut faire notre deuil de cette émission, je pense. Parce qu'elle ne survivra pas à Thierry Beccaro. Oui, je pense. Merci. C'est normal. Tu voilà. penses qu'il y aura quoi après comme programme Ça s'appelle Bouche Cousue. Un programme Motus, novateur. Moi, je dirais, c'est un truc où tout le monde doit parler. Donc. Après Motus, bah, tout le monde parle, non ? C'est ça, non ? Oui, une émission de style, tout le monde en parle, c'est ouais, ça ? Oui, c'est ça, tout le monde en parle, un truc comme ça. Pourquoi pas, okay. ouais. Je pense que je vais mettre le jingle là maintenant. Oui, je pense, on est à la fin, on est à la fin de cette news. Alors Draven, qu'est-ce que tu as comme news ? Alors, c'est pas Knack qui va me contredire, mais comme on dit chez nous, Numenetotfischfimemetemstrom. Ah, oh, ouais. Ce qui veut dire. Exactement. Bah, moi, en tout cas, je te contredis pas. Voilà, on est d'accord. Seuls les poissons morts nagent avec le courant. On part pour cette info. Même là, je te contredis pas. C'est beau, la philosophie alsacienne. C'est beau, l'Alsace. Ça a du sens. Hein. On part à Chambéry, en fait, dans un hypermarché Carrefour. Où deux individus avaient une pratique assez intéressante. En fait, ils se rendaient dans le magasin, dans l'espace, on va dire, l'atelier sushi, je ne sais pas si c'est le nom officiel. Ils commandaient des sushis et suite à ça, ils devaient donc se rendre à la caisse payer leur sushi fraîchement préparé. Or, ces petits malins... Ils les mangeaient entre-temps. Ils les mangeaient sur le chemin, effectivement, et je ne sais pas, ils se débarrassaient de la boîte quelque part. Et surtout, détail que je trouve très important, c'est décisif dans cette histoire, ils allaient s'essuyer les mains et la bouche au rayon vêtements. Ah bah ouais, t'as qu'à faire. Hein. Et ça faisait plus d'un mois qu'ils faisaient ça. Et ça, en tout cas, ça s'est bien passé pendant plus d'un mois, mais ils se sont fait choper. On a la nature des vêtements utilisés. On n'a pas les détails slips. Des vêtements, c'est dommage. Oh, il y a déjà une trace brune sur mon slip. C'est vrai que... Mais le slip aurait été un choix plutôt. Ça absorbe bien aussi. Mais il faut quand même déballer les slips parce que les slips ils sont quand même bien emballés. Oh, ça dépend. Alors que par exemple, un t-shirt c'est quand même plus. Tu sais, c'est juste sur un cintre alors que le slip faut déballer et tout. Après, sur un t-shirt grunge, ça se voit pas. C'est non, exactement. Ouais, mais sur un t-shirt grunge, il n'y a que des trous. Oui, bah autour des trous, tu mets de la saleté. Tu rajoutes 10 balles au t-shirt. Valeur ajoutée, je suis d'accord. T-shirt grunge. Donc voilà. Mais ils changeaient pas de. Faut qu'ils trouvent un nouveau restaurant. Oui. Bon, oui. Ils ont mangé en prison maintenant. Donc c'est oui, c'est ils, ça. Ils ont été au Carrefour, ils vont aller au champ qui est à côté. Oui. Je sais pas, moi. Pas je pour ça. Je ne connais pas la jurisprudence. En Russie, là. Oh merde, Poutine, tu m'entends. Je ne connais pas la jurisprudence. C'est la fin du podcast, là. Peut-être que l'erreur, c'était d'y aller tous les jours pendant plus d'un mois. Ouais. Bon, les vigiles ne sont pas overtop non plus. Non, parce que la direction s'est dit. Bon, mec, qui est au caméra, au vidéosurveillance. Tous les jours, ouais. Effectivement. Donc voilà. Ils étaient peut-être en train de discuter avec les vigiles. Ou alors, ils sont complices. Ouais, exactement. Ah, c'est beau faire en même temps, il y a est-ce pas beaucoup. Est-ce que la police a creusé cette Il y a tout un réseau. Ouais, en même temps, les vigiles, ils sont plus au rayon alcool, caisse, que rayon lingerie, quoi. Oh la vache, les clichés, quoi. Ouais, la prochaine fois qu'il va au supermarché, il va se faire péter la gueule. Ouais. Alors comme ça, on picole plus qu'on surveille. Je vais au drive. Il va te faire comme le douanier croate. Il va dire déshabillez-vous, on va voir si ça va se passer. This is my job. On verra ça. Allez, prochain. T'as pas de news, toi ? Si. Si. Allez, Vas-y, parce que moi, j'ai déjà fait un rewind. Vas-y, j'envoie le truc. Alors, comme dans Naruto Shippuden Ninja Storm 2, ce qui est important, c'est de placer le combo au bon moment. Et avec cette news, je vais faire un peu un combo entre les passions de Dédé Schutz et celle de Guillaume. Donc, on va donc parler la triche dans le caca. De caca et de protocole expérimental. Voilà, exactement. Alors, en 2017... L'Arizona State University a mené une étude sur les enfants atteints de troubles du spectre autistique de gravité variable. Alors, ces nouvelles recherches suggèrent que les transplantations fécales, ou simplement greffe de crotte, greffe de caca, peuvent réduire la gravité des affections associées aux troubles autistiques et que les changements durent plusieurs années après la greffe. Exactement. Donc, le caca sauvera l'humanité. Moi, donc, ils ont commencé en 2017 et là, les résultats ont été publiés en 2019 dans la revue Scientific Report. Et ils montrent que la réduction des syndromes des troubles autistiques a persisté pendant 2 ans après la transplantation de caca. Voilà, attends. On a du détail sur comment on fait une transplantation de caca ? Alors on prend du caca. Tu veux que je t'explique vraiment j'avais un dossier pour l'improbable podcast sous numéro 101. Alors non, je vais y venir. Ah, tu décris. Ah, okay. Alors donc ce qui démontre davantage le lien entre le microbiome intestinal et le cerveau. Donc dans l'étude initiale, très intelligent, Dédé. 15 des 18 enfants étaient considérés comme atteints d'autisme grave, avec des difficultés de communication et de gestion des interactions sociales. 2 ans après l'étude, qui comportait 8 semaines de greffe fécale, ayant réintroduit une plus grande variété de flore et microbienne saine dans le tractus gastro-intestinal des participants, seuls 3 participants relèvent toujours de la classification sévère. Alors que les autres, non. En gros, on prend du caca de quelqu'un de sain, voilà. On te le met dans les fesses, et ça te soigne. Alors, te non, mais dans les fesses. Non, ouais. C'est encore différent. Ou dans l'estomac. C'est encore différent. Alors, tu prends un caca. Tu baignes dans un caca sain. Ouais, okay. Tu vois. Genre, ensuite, qu'est-ce qu'un caca sain ? Mais bon. Voilà. C'est comme un petit marcassin. Donc, tu le prends. Ouais. Et donc tu vas dans un laboratoire, tu fais un peu un truc un peu tu mets une veste blanche pour faire classe, pour faire sérieux. Tu prends ton caca, la mouche qui pète. Tu prends une bassine saine. Hein. Hop, on le fout caca dans la bassine. Okay. Ensuite, on met de l'eau. Hop, on dilue. Faut bien que ce soit bien liquide. Ouais. Et ensuite, tu fais un peu le poirier, tu vois. Et on vient te reverser. Un peu comme un lavement anal, sauf que on te réinjecte l'eau avec le caca. Oui, alors tu fais, on va dire les enfants, ils font un peu le poirier, tu vois, pendant et tout, donc ça, c'est des curés qui non, je sais pas si c'est le terme, mais... et donc ils ont fait ils ont fait ça. Combien de fois ? Et quel est le cerveau malade qui a dit faut qu'on teste l'expérience ? Là, l'idée, elle vient de loin quand même, on est d'accord. Parce que le rapport n'est pas évident. Autant dans les problèmes intestinaux, quand tu as des problèmes intestinaux, la transplantation fécale, je veux bien, mais pour de l'autisme. C'est ça qui m'étonne. On a tout essayé sauf ça. On va peut-être le tenter. C'est un protocole par élimination. On a tout fait, on va peut-être essayer ça. Ça marche pas plus mal qu'autre chose. Ça a duré donc pendant 8 semaines. Donc 8 semaines de greffe fécale. Pauvre enfant. Et les parents ont signé, d'accord, faites ça sur notre enfant pendant 8 semaines. Exactement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais il se passe des trucs. Voilà. Et donc les résultats positifs. Exactement. Ah bon, sur les 18 enfants, il y en a 15 qui étaient classés en sévère. Ils ont été vraiment, ça a amélioré. Tu m'étonnes, les gamins, ils auraient raconté n'importe quoi pour qu'on arrête de leur faire ça. C'est l'autosuggestion. Faut plus que je sois autiste. Du coup, la scientifique Rosa Kramalnik Brown. C'est original allemand, ça. Je dirais une petite famille recomposée entre des Brown, mais tu vois, avec un W. Je dirais des gens du Pays-Bas. B-R-O-W-N. Américain et plus. Sud-américain. Depuis 1946, ils sont en Amérique du Sud, c'est ça. Et donc, ils font les tests sur des enfants avec du abattoir. Donc, elle a déclaré. Excuse-moi, mais ça. C'était des petits enfants juifs. Donc, elle a déclaré que nous constatons donc un lien très fort entre les microbes qui vivent dans nos intestins et les signaux qui se propagent dans le cerveau. Elle ajoute, bien sûr, que dans 2 ans plus tard, les enfants vont encore mieux, ce qui est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Donc, les scientifiques travaillent actuellement à la conception d'un essai clinique plus vaste et plus approfondi dans l'espoir d'obtenir l'approbation. Plus approfondi dans le domaine. Ouais, exactement. Et ils veulent obtenir l'approbation de leur traitement. Un entonnoir, quoi, en gros. Exactement. Et si l'objectif n'est pas de soigner une maladie, qui, selon certains, ne nécessite pas de guérison, cette étude suggère que les greffes de sel pourraient un jour fournir aux gens un moyen d'aider les enfants ayant des difficultés communicatives ou sociales spécifiques. Moi, je tiens à dire quelque chose. On est quand même en train de soigner des enfants en retournant à l'âge fécal. Donc, c'est quand même assez spécial, non ? Après, il y en a qui l'ont pas quitté. On peut parler de caca à tout âge. C'est le futur, hein. Le caca, c'est le futur, c'est le passé, c'est un peu le présent aussi. Ouais, c'est ça. C'est la vie, quoi. Merci la vie, merci le caca. Alors, je vais enchaîner. Vas-y, enchaîne. Je me permets, le cinéma 4DX. Vous savez ce que c'est, le cinéma 4DX ? Ouais. On en a parlé dans un épisode de Capteur d'écran, dans lequel je vous renvoie, où Philou nous parlait de son expérience en 4DX. Ça rajoute un sens. Voilà, en fait, tu as la 3D, tu es dans un siège qui bouge, on te balance de l'eau, et on te balance de l'air dessus quand tu as... Mais de l'eau en petite quantité. Oui. Enfin, un seau. 200 litres. C'est quoi ce truc au-dessus de moi, la bassine, là? Ouais. C'est une moment, il y a une scène en mer. Il y a une scène de tsunami. Quand tu as une séance tous les deux jours, le temps que ça sèche. Aquaman, ça doit être sympa en 4DX. Voilà, donc il y a des... Tu viens en slip de bain, avec le bonnet et les lunettes. Eh bien, Amsterdam, dans le fameux Red Light District. C'est le fameux port. Non, le Red Light District. Ah, pardon. Tu sais où c'est Non, mais c'est là où il y a les dames. Les dames qui sont en vitrine. Voilà, tout à fait. Tu peux choisir. Le terme de port, ça marche aussi. Hein. Pardon ? Le terme de port, ça marche aussi. Ouais, balance ton port d'Amsterdam. Donc, ils ont lancé un cinéma 4DX. Eux, ils appellent ça 5D. Je sais pas pourquoi. C'est des Hollandais. Ils leur projettent des poils dessus. Voilà. Non, parce qu'ils passent des films pornographiques. Oh là. En 4DX. Je veux pas savoir pour, l'ambiance. Et donc, il y a un petit bras mécanique qui sort, c'est ça? Je ne sais pas ce qui sort, mais les embruns, je vous laisse imaginer à quel moment ça sort. Vous imaginez bien la scène? Je vois Magic Duck. Je sais pas, j'ai jamais vu de film porno. Donc, ok. Tu demanderas à Jules, il était sur Jacques et Michel avant. Ne dis pas ma transition, s'il te plaît. Donc voilà, je vous invite à aller voir des films en 4DX. En néerlandais. Ça va être super. Ouais, ça doit être sympa. T'écoutes les paroles, toi, dans les pornos. Ah oui, c'est vrai. C'est international. Exactement. Oui. Un scénario important. Bah oui, il y a le jardinier. Vous demandez pourquoi elle se retrouve dans cette position. C'est quand même super important, quoi. Ah bah oui. Donc voilà, rendez-vous à Amsterdam pour aller au cinéma. Ça marche. Ok. T'as pas quelques titres? Du tout. Du Freudian Spots. Créer la Friedrich. C'est bien la concierge est dans le. Créer la Friedrich 2. C'est la suite. Donc je pense que c'est à moi. Est-ce que je peux t'emprunter la machine à jingle? Exactement. La machine à jingle. La jingleuse. Ortumiet. La machine. Alors moi, Jean me l'a très bien envoyé avec une magnifique transition. Je vais vous parler d'un sujet qui me touche tout particulièrement, au sens figuré, je précise. Et je passe un coucou à mes parents et je vais perdre toute crédibilité. Et à ta grand-mère aussi, on lui enverra le... Pour Noël, tu vas parler de pétanque. C'est ça, je vais lui parler de pétanque. Ouais. Alors, pour situer, maintenant, comme vous le savez, le porno, donc les films pornographiques, c'est-à-dire des gens qui font l'amour. Pour ceux qui sont les films olé-olé. Voilà, c'est ça, les films olé-olé sont disponibles en masse sur Internet. Et comme... Et à Amsterdam. Et à Amsterdam. Et comme on le disait si bien... Internet, c'est pour le porno. L'internet, c'est le magique là. Ils se font la nouvelle génération qui monte. Plus de magazines là, c'est fini. C'est dommage, c'est la page dépliante au milieu. Super ça. Fini le catalogue des trois Suisses quoi. Avec le masseur facial là, le masseur de joues. Ah la vache, comme je l'avais cru. Et encore, vous connaissez pas encore la règle 34. Mais bref. Du coup, les parents sont pas contents parce que le porno sur Internet, c'est pas la vérité. Parce que, en fait, le porno sur Internet est beaucoup plus violent et vulgaire que la vérité. Ah et bon donc, ah oui, c'est bizarre, ah bon hein, bizarrement comme ça, mais tu peux pas faire l'amour sauvagement sur la table à la babysitter. Bizarrement. Bon, moi, elle est d'accord. Hein. C'est ça le problème de la vraie vie, quoi. Si elle est consentante, c'est d'accord. Et donc, du coup, cinq mères ont décidé d'écrire et de réaliser un film. Des mères, des mamans ou des mamans. Ou des mères de ville. Des mères de ville. Non, des mamans. Des caspiennes. Ouais. Cinq mamans ont décidé de décrire et de réaliser. Des milfs, quoi. Voilà, c'est ça. Putain, mais me nique pas toutes mes vannes. Et ont donc décidé d'écrire et de réaliser un film porno responsable. Tout ça pour un reportage en trois épisodes. Appelé Mums Makes Porn. Donc là, tu es en train de nous dire qu'il y a des nanas qui ont fait une sex tape et qui trouvent ça magique, quoi. Le retour du film de M6, quoi. Le film de slip. Et encore, vous n'avez rien vu. Ah bah si, j'en ai vu beaucoup avec leur mari. Tu vas voir, tu vas voir. C'est, vas-y, vas-y, vas-y. Tu nous teases. Je précise. Mais on dirait quand même ce nom, donc même Snake Porn, on dirait quand même vachement le nom d'une catégorie. Mais bref. Donc, ils ont commencé par regarder des sources d'inspiration pour en apprendre. Hein. C'est comme en cours d'éducation sexuelle au lycée où on nous en passe. Pardon, je dis vague. Bref, ouh, j'ai tout cassé. Non, c'est moi, j'ai pas cassé. Bref, je dis vague. Bref, donc elles ont regardé et au final, une mère a arrêté l'aventure parce qu'elle trouvait ça trop vulgaire et violent. Et une autre s'est dit, ouais, c'est quand même vachement pas normal. What the fuck? Voilà, c'est pas normal que des gens fassent ça à leurs enfants. Et si mon gosse avait fait ça, je lui aurais mis ma botte au cul. Mais bref. Donc ensuite, elles ont écrit le film. Je l'ai pas vu encore, donc je vais pas pouvoir vous le décrire. Mais oh, ouais. elles ont écrit un court métrage de 12 minutes. L'investigation, quoi. Ouais, c'est ça. 12 minutes, ça te suffit, ça, Magicek? Ouais, large. Tranquille. 12 minutes, ça suffit. Moi, je vois même pas le quart. Hein. Et donc, il ouais, y a pas de minutes. Il y a l'intro dedans. Ah ouais. Il y a l'intro, mais quelle histoire? Si l'intro elle est bien jouée, ça passe pas mal. C'est ça. C'est ouais. Ça. Mais je pense de toute façon cette intro, ça ne sera pas un César parce que un César des meilleurs dialogues parce que je rappelle que les dialogues dans les films pornographiques, ça se résume souvent à bonjour, je suis le plombier et je viens réparer votre tuyauterie. Au sens bizarre du terme. Mais bref. Donc elles n'ont pas fait que l'écrire parce que sinon ce serait rigolo. Elles l'ont aussi réalisé et monté. Non, pas le monsieur. Mais elles ne sont pas passées devant la caméra. Dommage, le terme MILF était quand même le troisième le plus recherché sur Pornhub en 2018. Oui, je suis allé chercher les statistiques. Enfin, le film a été montré aux adolescents. En effet... Donc, ils ont montré des films porno avec leur mère c'est plus profond que ça. Leur mère ont écrit un film porno fait par des véritables acteurs porno. C'est ça, elles n'ont pas joué dedans. Elles n'ont pas joué dedans. Non, okay, elles ont pas poussé la logique jusqu'au bout, là. Nos enfants sont traumatisés avec le porno. Attendez, regardez ça, les enfants. C'est nous, on a tourné ça avec votre père. Voilà, elles n'ont quand même pas tourné dedans. Mais en fait, c'est quand même mieux qu'elles ne soient pas passées devant la caméra parce que vous imaginez, vous voyez votre mère dans un film porno. Ça arrive à tous les enfants de pornstar. Ouais, c'est ça, mais c'est assez bizarre quand même. Et au final, regarder un porno tous ensemble, ça s'appelle... Une partouze, bref. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actrices qui font juste un film et après elles partent. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est plus vivable. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, ça quoi. Alors, je vous conseille le documentaire Netflix After Porn's End, donc, où qui suit des actrices porno après qu'elles aient arrêté leur carrière porno. Et alors ça dépend, certaines l'assument, d'autres un peu moins et vont en Utah, c'est aux États-Unis, donc elles vont en Utah où la pornographie est interdite. C'est l'État mormon. Et du coup, personne ne l'a vu dans aucun de ses films, donc voilà, elle peut amener ses enfants à l'école, personne ne dira hey, mais je vous ai vu. Il y a autant de gens que ça qui la reconnaissaient dans la rue, parce qu'elle a fait un film. Non, mais elle a pas fait un film, c'était des actrices porno connues dans les années 90, où il n'y en avait pas beaucoup. Un film, mais c'était un bon. The best. Il y a tous les awards. Mais oui, les meilleurs awards. Et je tiens quand même à dire que là, ils leur ont montré un vrai film porno, mais aussi les termes les plus recherchés sur Pornhub. Dedans, il y a Fortnite et Bowsette. Donc, Fortnite. Il y avait aussi Minecraft à une époque, mais... Tu nous rappelles quel jeu tu avais dans ton enfance? Alors, j'ai pas... dans Minecraft, faut creuser les trous, non? Voilà, ça, faut creuser les trous. Il faut aller au fond des tunnels, voilà. Donc, faut vraiment aller au fond des choses. Et au final, pour finir, on n'oublie pas, on dit quoi? Merde. On dit merde. Ah, on dit merde. Ah bah bravo. C'est une droite. JM. C'était à gauche. Hein. Merci alors Jules et Jackie et Michel. C'est bon. En fait, c'est hypoglouton. C'est une partie d'hypoglouton. C'est une partie d'hypoglouton qui est en cours. C'est pas de la grêle. Oui, c'est hypoglouton. Super, je dis, ça vient d'où? Ok. La suivante, c'est Magic. Mais moi, j'en ai pas. Hein. Bah, c'est bon. Et après un podcast, rien fait pareil. En plus, si j'en ai une, Dick Rivers, c'est mort. Et c'est triste. Oui. Ça. Ça, c'est doublement triste. Voilà. Pourquoi doublement? Parce que quelqu'un a dit c'est triste et je le pense aussi, donc ça fait deux personnes. J'avais fait une série de 7 photos pendant 7 jours de dick pic, donc avec des photos de Dick, dont Dick Rivers. Voilà, sur, okay. sur Twitter, si vous okay. cherchez mes dick pics sur, sur Twitter. Il y aura une photo ça, de... Okay, ouais. Dexter, il faisait ça aussi, je crois. Hein. Ouais. J'ai pas totalement envie d'avoir, d'avoir envie de voir ça. Tu recherches dick pic des déchutes. Tu vas être... Ah, parce que dick, sauf erreur de ma part en anglais, on revient sur les films un peu porn. Hein, ah, sauf tu, de ma part. Tu penses ouais. Ah mince, me serais-je fourvoyé alors ouais. Ah, c'est dans ah, je ne sais sens. Pas. Ouais. Sur Twitter. Sur voir. Twitter. Mmh. Exactement. Une petite news de Draven. Et oui, c'est pas Magic Jack qui va me contredire, mais c'est quand les Barinois ont commencé à apprendre à lire qu'ils se sont hissés au niveau des Orinois. Ah, j'ai pas envie de rentrer dans cette polémique. Non, il n'y a pas de polémique. On est bien d'accord que lire, en tout cas, ça peut amener loin dans la vie. C'est ce qu'a appris Donellan Andrews, qui avait acheté en fait une assurance voyage sur Internet auprès de la société TinLeg. En fait, elle voulait se rendre à Londres. Elle est américaine. Elle voulait se rendre à Londres avec des amis. Et donc, elle a acheté une petite assurance voyage, histoire d'être couvert en cas de merde. Et donc, elle reçoit... accident d'avion, c'est bien d'être couvert. Ouais. Voilà, ouais, tout à fait. Voilà, c'est ouais. important. C'est, s'il oui. fait froid. Oui. Tu crois que c'est couvert? Bah, si tu fais un voyage en Angleterre, vaut mieux pas prendre une assurance sur la météo. Enfin, je veux dire, c'est pas un bon pari pour les sociétés d'assurance. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit son contrat d'assurance, elle le lit, normal, 7 pages, elle lit tout jusqu'à la fin. Et quelle ne fut pas sa surprise en arrivant à la fin des 7 pages lorsqu'elle découvre une inscription qui lui dit « Félicitations ». Celui qui dit ça est un con. Ça, c'est un peu trivial, mais c'est drôle. Ah bah oui, bah. Ce serait dommage que je sois pas juriste, hein, je me ferais des petits plaisirs. Ouais. Non, en gros, à la fin, ça lui disait, si vous avez lu jusqu'ici, vous êtes l'une des très rares clients de TinLeg à étudier toute la police d'assurance. Elle devait ensuite prendre contact donc, avec la société pour remporter donc, le gros lot qui était une somme de 10 000 dollars. Waouh, respect. Et le contrat était en cours depuis quand? 27 ans. Bravo. En fait, sans le savoir, elle participait à un concours qui avait été mis en place par la société d'assurance. Lorsqu'elle a téléphoné à la société d'assurance, le concours était en place depuis 23 heures seulement. Non. Donc, coup de bol, elle était... Ah, j'ai cru que tu allais dire 23 heures. Non, 23 heures pour le coup. Et elle n'était absolument pas au courant, évidemment. Et elle a déclaré qu'elle lisait toujours tous ses contrats d'assurance. Il faut. Tous ses contrats. Tout c'est court. Chiant. C'est chiant. C'est un mauvais moment à passer. Mais c'est pas cool, c'est comme les CGU sur Google et Facebook, faut les lire. Ouais, tout à fait, ça. Ne pas faire accepter. Mais bon, qui l'a déjà lu? Les conditions de Jackie et Michel, tu les as toutes lues? Alors, je suis jamais. Ou t'as fait non, c'est bon, j'ai plus, dessus, c'est bon, j'ai plus de 18 ans, rentrer, c'est bon. C'est bon, tes parents savent, maintenant tu peux y aller. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, ça ils le sauront pas. Je leur parlerai peut-être du truc sur la nostalgie, mais pas là-dessus. Pas de maintenant, ça. Maintenant, moi j'ai l'adresse, je l'ai envoyé. C'est à 52 rue du Général Leclerc. C'est ça. Alors, moi j'ai une petite news. Alors, ce n'est pas Matt qui va me contredire, mais boire un petit thé rooibos en regardant la 15e saison de Grey's Anatomy, tout en fourrant ses doigts dans la douce fourrure d'une grosse chatte qui fait ronron, c'est vraiment relaxant. À Strasbourg, 3 rue de Lausanne, donc juste à côté de la Sécu, hein, on vous accueille au salon de thé Le Chaperlipopette et vous pourrez vous y délasser. Lire un livre et passer un bon moment en compagnie de leur chat. C'est un bar à chat ? Exactement. C'est ouvert du lundi au vendredi, 12h-19h, et samedi, 14h-19h. Donc c'est le bar à chat, c'est un concept qui séduit de plus en plus les glandeurs qui ont envie de faire des petites papouilles à un petit minou sans avoir à changer sa putain de litière. Le Chaperlipopette est donc un lieu qui héberge plusieurs espèces de chats venant de différents lieux, donc associations, SPA. Et surtout, c'est un lieu qui passionnés de grosses chattes. Donc tu viens pas avec ton chat ? Les chats sont déjà là. Exactement. D'accord. Ce qui n'est pas pareil. Pour profiter des chats, d'accord, des voisins. Ok, cool. Et la présence des chats apporte donc une touche d'originalité, mais surtout des caresses, de la douceur, que du bonheur. Si tu viens le matin, il y a des châteaux. Exactement. Châteaux. Je n'ai pas entendu cette phrase. Je refuse de l'entendre. Très sociable. Donc les chats qui attendent votre visite dans leur habitat typique, mais se feront un plaisir de vous accueillir dans leur royaume. Alors c'est pas la première tentative de bar à chats à Strasbourg. Oui. Hein, exactement. Il me semble qu'il y en a un deuxième. Il y avait il avait fermé. Il y avait un Kickstarter qui était parti. Un Kickstarter. Je crois qu'ils n'avaient pas bouclé. Kickstarter. C'est de l'Amérique. Ils n'avaient pas bouclé le budget ou un truc comme ça. Ah ouais. D'accord. Ouais. Non, mais il avait ouvert, il mais me semble, ça n'avait pas trop marché. Et ça n'avait pas duré longtemps. Non, c'était derrière le printemps, là, pour ceux qui connaissent Strasbourg. Mmh. Les autres, bon, bah, je démerde. Hein. Google Maps. Google Maps, printemps Strasbourg, derrière. Et donc, sur le site, il y a des photos de chats. Donc, il y a Tiana. Il y a Tiana. Ah ouais. Mais tu peux réserver une grosse chatte. Hein, ça marche comment en fait Bagheera en noir. Hein. Tu... Au Malais, tu vois, ça a l'air un gros qui ronronne bien. Il y a un cat Hitler, là, non? Justement, c'est Sand, ça. C'est celui en bas à gauche là. C'est... En bas à gauche. De loin. Ouais, on dirait qu'il a une petite mèche sur le devant là. Ah oui, il a une petite mèche et une petite mèche. Elle s'appelle. Ouais. Elle s'appelle Duchesse. Duchesse. Hein ouais. Donc Daenerys. Duchesse. Il y a aussi Daenerys Kovu. Et bon, je pense que c'est quand même un peu c'est orienté Game of Thrones. C'est orienté Game of Thrones. Un petit peu. Et quand il y a un personnage qui meurt, il bute un chat. Exactement. Non, mais c'est parce qu'il y a un chat qui meurt tous les jours, donc ça rappelle la série. Ok. Mais ça marche comment? Tu réserves avant d'y aller ou alors tu réserves ta chatte sur la photo? Tu prends ce qui est dispo ou ça marche comment? Ben, je pense que si tu téléphones avant et tu dis j'aimerais bien Sansa par exemple. La troisième. Gratter Sansa, gratter l'oreille de Sansa ou de. Je crois que mais finalement tu vois c'est un peu comme un bar à pute, ouais exactement. Bah, un petit peu. La question. Alors un bar comme sans vitrine les chattes. Exactement. En 4DX. Donc, quand tu passes devant, il y a des mâles. Oui, il y a Olaf. Il y a O'Malley. Ah, O'Malley, d'accord. Et Olaf. Gunther. Exactement. Je crois que c'est plutôt un truc du genre qui va pour. Tu vois un peu. Il y a Gunther. Dans les mâles. Il vient se frotter. Ce qui est sympa et qu'il faut retenir quand même, c'est que le plat du jour est à seulement 7,50€. Parce que tu bouffes en plus. Exactement. Et on dessert une tarte au poil. Donc 7,50€ le plat du jour, c'est plutôt pas mal. C'est pas cher. Ouais. C'est exactement. Donc il y a un peu tous les faits. Mais tu manges les chats qui sont morts dans le bar? Oui, ou pas parce que ce n'est pas un bar chinois. Ça je comprendrais, tu vois, que tu bouffes les chats. Parce que c'est zéro déchet, quoi. Si le chat il veut pas, je veux dire, toi tu y vas pour avoir des chats, machin, tu bouffes, tu bois, je suis sûr que les tarifs ils t'assassinent. Mais si le chat il en a rien à branler. Mais les chats, de toute façon, de base, ils en ont rien. Bah voilà, c'est bien. Ils sont là, tu vois. C'est bien ce que je dis. Ils sont assis, ils sont sur un coussin. S'il y a un client qui arrive à côté, ils veulent le caresser, le chat il se barre. Bah c'est ça. C'est ça, sans pète, lui. Mais je crois que dans certains bar à chats sur Paris, ils choisissent exprès, peut-être pas là, mais ils choisissent exprès des races qui sont très sans câlines. Pattes. Et... Ah. Ouais, sans pattes. Ah, sans mais pattes, sur, c'est sur mieux, Paris, ouais, je crois qu'il y a un bar à chats que j'avais vu sur Paris, ils avaient plutôt des Maine Coons qui sont vraiment plutôt des chats calmes et très, très calmes. Ouais, et très ils sont très grands surtout. Quoi. Ils sont très gros aussi, oui. C'est, je pense c'est aussi un peu pour la mode. Quoi. Ouais, bah, genre, avoir le plus gros, un chat qui ressemble à un lion, ils adorent ça, quoi. Hey, les bars à Lyon, ça se fait pas ça? C'est rare, ça s'appelle Fort Boyard, je crois. Pour manger un bon steak. En général, tu vas une fois. Mais là, c'est pas toi qui manges. Il y a un problème de fidélisation de clientèle en fait. Ouais, ça marche pas bien. Mais pourtant, c'est une bonne idée. Oui, je vais lancer ça. Exactement. Et donc, avec les news, quelqu'un a encore une news? Je dirais qu'on est fertique. Oui, on a fait le tour. C'est une news? J'avais un truc sur les panini. Pas les sandwichs chauds, les petites vignettes panini. Un homme s'est fait arrêter pour le trafic de milliers de vignettes panini. Oh le salaud! Je savais même pas que ça existait encore. Tous les footballeurs et compagnie là. Mais oui, il y en a tous les ans des vignettes panini. Mais avec ça la news? Avec ouais, bah ouais. Mais c'était avec les. Ça aurait pu être un rewind. Moi je pensais qu'avec les internets, mais non, on ne collectionnait plus les vignettes panini. Mais si les gamins, tu as toujours le plaisir d'ouvrir le paquet. C'est comme les boosters Magic, quoi. Ouvrir son booster. Tu parles, ils les achètent sur le Bon Coin direct pour avoir toute la collecte en fait. Ah peut-être. Ça va plus vite. Mais faut bien qu'il y en ait qui en achètent de base, c'est sûr. Je crois que genre t'en files 5 identiques ou 5 vignettes et ils te donnent celle que tu veux ou un truc comme ça. Ah ouais? Le site, je crois, ce site Panini ou un truc comme ça. Oh, ça a changé. Panini fait ça? Je sais plus si c'est Panini ou si c'est une autre marque. Les offres gratuites. Non, c'est pas Panini. Ouais. C'est quelqu'un d'autre que Nini. Voilà, c'est Panini, c'est Nina. Bon, c'était tout. J'aurais mieux dû ne pas le faire, c'est ça? C'est pas Dédé Chute qui va me contredire. Jamais. Mais une bonne hygiène intime, ça passe aussi par le choix d'une bonne selle de vélo. Bah, tout à fait. En effet, on va parler. On va partir. Moi, je mets pas de selle, comme ça, c'est plus facile. Pourquoi pas, c'est un choix intéressant aussi. Oui, du coup, ça finit différemment, mais c'est. Oui, c'est au régime sans selle. Voilà. C'est ça. Mais pas sans selle, c'est quand même dégueulasse. Hein. On va partir à Philadelphie. Pour parler... Le fromage ? Non. Ah, exactement. La ville. On va parler du Philly Naked Bike Ride, en fait, qui est une. Une bière, une, c'est ça ? Une balade à vélo tout nu. Absolument, une manifestation cycliste qui a lieu une fois l'an dans la belle cité de Philadelphie. Les cyclonudistes, on appelle ça. Ça doit être ça. Exact. Et qui avait lieu, en fait, jusqu'ici, au mois de septembre. Or. Et c'est là tout l'intérêt de la news. Voilà, Ikai. Et en fait, ils ont pris une décision grave. Ils ont brisé la tradition et ils ont décidé de déplacer l'événement au mois d'août parce qu'en septembre, ça gèle de trop. Voilà. Okay. Bah oui. Après, tu dis non, mais ma roue était plus grande, mais c'était parce que il faisait froid. est-ce qu'ils ont des selles spéciales? Eh ben, celle chauffante, c'est... Ouais, avec évacuation de sueur pour la moitié. Je n'en ai aucune idée. Moi, je sais que les selles pour femmes, il y a des selles qui sont fendues pour que ça appuie moins un peu sur les ischions. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est possible. Exactement. Ouais. Ouais, je ne savais pas. Un peu les personnes qui ont les ischions sensibles, quand tu roules beaucoup, ça chauffe un peu. Mm-hmm. Mais au bout d'un moment, quand le cuir il est bien tanné, il n'y a plus aucun souci. Donc, moi, je fais du vélo et du vélo taf aussi. Et là, bon, là, un peu moins. Alors du coup, c'est vrai que je suis un peu plus sensible, tu vois. D'accord. Exactement. D'accord. Ouais. Mais si tu roules régulièrement, rien du tout. Impeccable. Non, mais on est d'accord que si tu veux pratiquer régulièrement, à poil ou pas, il faut un peu de sérieux et choisir une belle selle adaptée à ta pratique. Mais je pense que si t'enchaînes quand même les kilomètres, vaut mieux quand même mettre un petit quelque chose, quoi. Oui, oui, oui. Il y a moyen. Oui. Un peu de piment, c'est bon. Un peu de piment et c'est parti, quoi. Allez. Voilà. Tu vas aller plus vite après. Alors, est-ce qu'on a encore des news ? Moi, j'ai une petite news. Je crois que Matt se fait humilier au jeu de tennis par Flavien. Mais donc, c'est juste à côté de nous. Et je crois qu'il a vraiment du mal. 6-0, c'est une humiliation ? Bon, enfin, bon, voilà, par terre, en tout cas. Okay. Là, hein. C'était une news en direct, c'est une breaking news. Breaking news. Le sport n'attend pas. Ouais, c'est vrai. Alors, pour toutes ces news, moi, il faudrait que je remercie encore Rio Saeba et Barberousse, hein, qui nous ont fourni toutes ces news. Et finalement, ils ont pu nous faciliter un peu la préparation de l'épisode. Et ça leur a fait beaucoup de... Ça leur a vraiment fait plaisir de participer. Ça leur a fait plaisir de penser. À les remettre en salle, quoi. Bah oui, les remettre en selle, excusez-moi. C'était des fidèles de l'impro podcast, donc effectivement. Ouais. Mm-hmm. Ah, ils étaient toujours sur le chat, quoi. Ouais, régulièrement, ouais. Allez, donc on va continuer avec le dossier. Ah oui, c'est un autre improbable. Hein, ouais, vrai, quoi. Il y a quelques d'autres jingles qui sont nouveaux. Ouais, je vois. Ouais. J'insère du nouveau avec un peu d'ancien. Vas-y, insère. Ouais, exactement. Alors. Donc, je suis là pour vous parler un peu de Knack, parce que là, on s'est fait, on a fait tout, fait le Knack Fest. Il faut quand même un moment que les personnes qui ne savent pas ce que c'est, il faudrait comme qu'ils sachent qu'est-ce que d'ailleurs, Knack. D'ailleurs, Knack Fest, là, exactement. Il est minuit moins 10. On n'a toujours pas bouffé une seule putain de Knack. Justement, ouais, c'est vrai. Bah, je voulais les caser à l'apéro. Je voulais les caser à l'apéro et finalement, on avait quand même pas mal. Hein, bon. Ah, moi, je mets les pieds dans le plat. Hein. Je suis content que tu l'aies fait. Écoute, tu sais quoi ? Tu repartiras avec un petit paquet de Knack. Ah. Exactement. Ouais. Et c'est des petites, hein, parce que je sais que tu aimes bien les petites. Alors, bien sûr... La Knack. Avant d'être une figure de proue d'un fabuleux podcast, la Knack fut d'abord une spécialité culinaire alsacienne. Donc c'est une saucisse longue et fine, légèrement incurvée à base de viande de bœuf, de porc, et le tout assaisonné. Hein. Et on embosse tout ça délicatement dans un boyau naturel de mouton. Donc bœuf, porc, mouton. C'est une saucisse multiculturelle. Alors cette charcuterie, à pâte fine et légèrement fumée, à chaud, hein, au bois de hêtre, ce qui lui donne un peu sa couleur brun clair. Alors, s'il y a d'une autre couleur, hein, déjà, Dia, passe ton chemin. Quoi. Ça, c'est, tu vas être déçu. Si c'est rose... La grosse, c'est pas de la vente. Ah, non, ça, c'est... Ouais, je dirais que ça, c'est ça, pas c'est bon. C'est de la knackie, ça. Ouais, ça. Ah, ça c'est, c'est de la chimie, ça. Exactement. Ouais, ça. Alors, cette charcuterie, donc, elle a une couleur, donc, rose. C'est dégueulasse. Pour la cuire, on la plonge pendant 4 minutes dans l'eau bouillante et tout en évitant qu'elle éclate. Parce que quand elle éclate, c'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai. Elle perd son côté knaquant. Oui. Et la chair. Le côté knaquant. Le côté knaquant. Donc, il claque. Claque. Exactement. Donc, on tourne Kuttolsheim dans le Korosberg. Hein. Il met un verre de bière dans l'eau, dans l'eau de cuisson, hein, pour donner du goût. C'est un peu le bouillon de cuisson à la bière. Et bien évidemment, comme tu l'as dit, la knack doit son nom au verbe knacken, qui dans la langue de Goethe décrit le bruit que fait la saucisse quand sa peau éclate sous la dent. Mmh. Exactement. C'est beau ça. Et oui, monsieur. C'est précis. C'est Goethe qui a dit ça. Ouais, c'est exactement. Goethe. Ouais, dans Faust. Faust in the knack. Et la knack est populaire. Elle est présente dans toutes les fêtes de village, dans tous les événements, et elle est présente jusque sur les buffets apéro des mariages alsaciens. Donc, je pense que même au mariage de Dédé, il y avait des knacks à l'apéro. Alors, il y avait des knacks, mais Rustinman, blogueur émérite de sport alsacien, m'a fait des reproches, comme quoi les knacks étaient trop petites à mon mariage. Elles étaient roses ? Et elles étaient, je ne sais pas, je n'ai pas vu une seule. Moi, non, elle n'était pas rose. Tellement bourrée. Bah, ouais, c'est ça. Moi, j'étais là, je les ai mangées et elles étaient pas roses. Elles étaient bonnes. Et donc, on les sert par paire avec du pain et de la moutarde bien forte. Et en Alsace, dans chaque restaurant, le menu enfant, c'est knack frites. Hein. Les autres, ça n'existe pas. Le reste, steak haché frites, ça, c'est pour les nuls. Ça. Et bien évidemment, une choucroute sans knack n'est pas une choucroute. En août 1744, Louis XV, qui est en campagne militaire, tombe mystérieusement malade. C'est l'épisode de Metz. Les meilleurs médecins sont convoqués à son chevet, mais sans grande réussite. Hein. Et si, il était si malade qu'il reçoit l'extrême onction le 15 août. Et en désespoir de cause, on fait appel à un médecin juif, Isaïe Servius Ullmann, qui sauve le roi de la dysenterie. Mais comme il est impensable que le roi très chrétien ait été guéri par un juif, bah on découvre un vieux médecin à qui on fait endosser la guérison. Et à l'annonce de cette guérison, bah là c'est, la population française fait la fête. Et pour fêter ça dignement, à Strasbourg, on offrit de grandes quantités de knack à la population. Au XXe siècle, l'histoire de la knack d'Alsace se conjugue avec celle du Saint-Empire germanique. L'Alsace est annexée en 1871 et le développement de la charcuterie alsacienne est intimement lié au brassage culturel qui en découle. L'annexion contribue à renforcer la culture alsacienne et à affirmer l'identité de l'Alsace, notamment à travers des savoir-faire culinaires. Et donc les Alsaciens et les Alsaciennes cultivent leurs différences. Qui aujourd'hui, bah on fait la Knackfest, c'est un peu dans le même genre, quoi. C'est dans la succession directe en fait de tout ça. C'est oui. Et justement, l'installation des gentils Allemands et Allemandes en Alsace ont permis un brassage de la population. Et certains d'entre eux qui étaient charcutiers, en fait, ils introduisirent une technique mécanisée allemande qui permit à la knack d'avoir une farce encore plus fine et plus agréable en bouche, donc plus savoureuse. Et depuis, la recette de la knack reste inchangée. Aujourd'hui, la knack, c'est le produit le plus consommé de la gamme de la charcuterie alsacienne. Alors, c'était un peu copier-coller Wikipédia, hein, on va pas le cacher. Mais il faudrait quand même combien de tonnes, à votre avis, de knack est produite chaque année ? Alors, il y a 65 000 tonnes de charcuterie alsacienne qui est produite par an. Sur 65 000, combien, à votre avis ? 50 000. Ah, plus. 60 000 ? Moins. Ah. 53 000. On est moins. 23 000. Au moins. 18. Non, mais plus que 50. Non. Non. 50 quoi ? 50 000. Ah non, moins. 20, moins 50 000. 18 000. 18 000. 18 000, moins. 17. Moins. 14. Moins. 8. 8 000. Moins. 7 000. 7 000. Moins. 5 000. 4 000. On a entendu. 4 000. 624. 6 000. C'était Draven, je crois. J'ai dit 5 000. 5 000 ? 6 000 ! 6 000 tonnes de knack sur 65 000 tonnes de charcuterie. Ouais, c'est pas beaucoup. Bah non, ouais, mais le truc, c'est que c'est le plus consommé, le plus produit. Et parce qu'en fait, la charcuterie, il y en a la race. Quoi, tout simplement. C'est vrai aussi. Bah, en Alsace, oui. Entre le c'est l'alimentation de base de l'Alsacien. Hein. Entre oui. Matin, midi, soir. Le cervelas et tout ça. Je crois que t'as oublié le 4h et le goûter de 10h aussi. Oui. Le Medwurst le matin. Le Medwurst, Fleischwurst. La bouffe de du Kolmet. Ouais. Du Kolmet. Donc c'est le Kolmet, c'est. Ah, du bon met. Exactement. Le Kolmet, c'est vraiment. C'est un peu le. C'est quoi le Kolmet ? C'est un peu le Nutella alsacien, tu vois. Ouais. Tu prends une saucisse, et au lieu de mettre du Nutella, tu mets une espèce de... une pâte, comment dire, à base de gras, de gras de porc. Ah, c'est du saindoux. Et... Non, pas encore, mais c'est quand même un peu rose parce qu'ils mettent de la cochenille dedans. Clairement, ouais. Et quand tu le tartines, tu vois, c'est quand la tu relèves cochenille. Le couteau, ça fait encore des petits fils comme ça. Et ça, c'est vraiment particulier. Ça, c'est le bon mettre, ça. Hein. Exactement. Ouais, les petits fils. Ça, je connais pas, il faudrait que je découvre. Et donc, face aussi au succès commercial de la knacki de Hertha, donc la petite saucisse apéritive. Mais t'avais dit qu'on ferait des knacki. Exactement. Les charcutiers alsaciens, ils défendent un label qui doit distinguer les produits artisanaux alsaciens des saucisses de Strasbourg produites par les industriels et de l'agroalimentaire. C'est salaud. Donc, fini la saucisse de Strasbourg, place à la knack d'Alsace. Donc, ils vont placer un IGP en 2012, donc indication géographique protégée. Parce que tu peux faire de la saucisse de Strasbourg même si tu n'es pas à Strasbourg. Exactement. C'est la recette qui compte. Et c'est l'arnaque, ça. Et donc, ils mettent une IGP afin que les consommateurs... Et les champignons de Paris, c'est fait à Paris? Ça doit être région parisienne. Je crois pas. Je crois que, non, c'est pas une IGP. Non, je crois pas que ce soit une IGP. Non, pas bravo. Où va le monde? Ouais. C'est quoi exactement. Ça Bah, les trompettes de la mort, tu allais faire où alors? Bah, dans les cimetières. Alors, pour être estampillé. Dans les enfers. Pour être estampillé knack d'Alsace, donc la saucisse doit désormais répondre à des critères précis. Elle doit être constituée de viande de porc, de bœuf, embossée dans un boyau naturel de mouton et fumée à chaud. Et exclusivement au bois de hêtre. En outre, elle doit mesurer entre 20 et 30 cm de longueur et pour 20-28 mm de diamètre. Donc si vous prenez un peu votre index, à peu près, si vous prenez la base de l'index, ça ressemble à peu près à ça. Quoi. Une claque, okay. Mon index, il ne fait pas 20 cm de long. Là, je suis en train de me dire. Ouais. Téléphone noir, maison. Exactement. Et donc les knacki et autres succès des supermarchés pourront toujours s'appeler saucisses de Strasbourg et l'appellation a été jugée désormais trop répandue pour pouvoir être protégée. Mais ils ne pourront pas prétendre à l'IGP knack d'Alsace. Voilà. Et en plus, puisque toutes les knack saucisses de Strasbourg, en fait, ils ne sont pas faits à partir de porc, de bœuf. Ils font un peu n'importe quoi. Ils foutent tout ce qu'il y a dedans. Exactement. Tout ce qui passe. Allez, et en tant qu'Alsacien, les chats des barachas, on sait faire allez, dans les knack. On sait faire facilement la les différence entre la knack d'Alsace et la knack de Strasbourg. Comment? Tout simplement, les knack des Strasbourgeois sont plus petites que celles des Alsaciens. Ah ça, je l'ai toujours dit. Elle est plus petite. Et Strasbourg, c'est pas en Alsace? Par hasard? Mais, t'as la cuisse. Oula, elle est l'EMS, on dit maintenant. C'est fini la cuisse. Hein. Ouais, c'est l'Eurométropole de Strasbourg. Les Strasbourgeois, ils ont des petites saucisses. Bah oui, attends. Et le reste de l'Alsace, ils ont des grandes saucisses. Ah oui. Je confirme. Moi, j'ai dit que je ne voulais pas rentrer dans ce débat. Et pour les gourmands et les gourmandes, dans le Haut-Rhin, il y a la cousine de la knack. C'est la Wiener, là, qui mesure plus de 30 cm de long. Oui. Et on met, au lieu du bœuf, on met du veau. Et qu'on parle de charcuterie alsacienne, de sexualité ou de conquête spatiale, on retient que chaque centimètre a son importance. Tout à fait. Même exactement. Dans la conquête spatiale. Exactement. Face à l'infini, un centimètre, ça fait les choses. Ah bah, au décollage, ça change son tout, importance, quoi. Mmh. Ça change tout. Ok. Je l'ai jamais dans l'espace, excuse-moi. Bah, allô, de la honte. chaque kilo, chaque centimètre est important, quoi. Ouais. C'est pas le professionnel hein, du jingle. Hein. Ah oui, carrément, il y a un peu du lag. Hein. Alors, c'est déjà fini le jingle. Exactement, c'est un petit coup. C'est un petit jingle. C'est le petit jingle des coups de cœur. Jingle strasbourgeois. Parce que nous avons un cœur. C'est vrai. Et alors, Magic, est-ce que tu as un coup de cœur là comme ça au pied levé? Bon, écoute, c'est le French cancan. Et on sait que le pied levé, c'est pas facile à faire. C'est pas facile, faut être. Bah, un French cancan. Non, j'ai un coup de cœur tout frais, on va dire. C'est l'organisation d'un concert en Suisse, quoi. Darned. Tu organises un concert? Non, j'étais à un concert en Suisse hier soir. Et ça fait peur. Ah bon. Là, parce que la Suisse, c'est trop propre. C'est trop carré. C'est trop bien organisé. C'était quoi le concert? c'était Metallica, donc théoriquement, il y a quand même un peu des monstres là au milieu. Tu voilà, il y a du vomi. Tout va bien. De la bière. Tu prends. Non, mais en Suisse, tu prends le tram avec les. T'as des mecs, tous des t-shirts Metallica, des, avec des tatouages, avec des têtes de mort sur l'avant-bras. Ils sont assis dans le tram. T'as une petite mamie qui rentre. Le mec, il se lève, fait asseyez-vous, mademoiselle. Puis la madame, merci, monsieur. Puis elle s'assied. Puis t'as alors, c'est suisse-allemand, hein, avec une langue gutturale. Très moche. Je crois qu'il n'y a pas de langue plus moche que le suisse-allemand. Ah, oui, c'est clair. Et voilà, mais par contre, on est rentré. Tac, tac, tac, on est sorti en 10 minutes. Ils ont vidé un stade de 35 000 personnes. Et il n'y avait pas de baston, et rien du tout. Quoi. C'était... T'étais même déçu, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et pourtant, c'est un coup de cœur, mais d'effroi. Et pour toi, pourtant, comme ça, moi, je dirais, tu n'es pas trop taillé pour la baston, quoi, comme ça. Ouais, bah ça, oui. Moi, j'aurais perdu, hein, ça, c'est clair. Non, mais moi, je cours vite, c'est tout. Donc, ah, ça t'arrange, ouais, ouais. Du coup, oui, qu'il n'y ait pas de baston. Non, oui, j'en ai d'accord. Et donc, c'est, voilà, c'est ce côté très organisé qui fait un peu peur, moi, je trouve. Voilà. Donc c'est un coup de cœur d'effroi. Alors Draven, qu'est-ce que tu as comme coup de cœur ? Je vais vous parler d'une série télé que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Happy, qui est disponible sur Netflix. Sur Netflix, tout avec à fait. Un petit animal animé, c'est ça ? Exactement. Licorne. C'est l'histoire d'un flic, d'un ancien flic en fait, Nick Sachs, qui est complètement défoncé je ne sais quelle drogue, qui picole, qui est dans un état physique assez déplorable et qui travaille comme il peut en fait, en tant que je sais pas, plus ou moins chasseur de primes. Enfin, il fait un peu tous les petits boulots qu'il trouve. Bah, il était flic, mais voilà. Il n'est plus. Et du coup, il a un nouveau collègue qui est black et jeune. C'est et ça non. Non, non. C'est déjà... un air de déjà vu, quoi. Il doit sauver sa fille. En fait, voilà, le truc, c'est ça. C'est quand il va faire un arrêt cardiaque, parce qu'il a quand même un rythme de vie qui n'est pas très, sain. Il va faire un arrêt cardiaque et à partir de là, il va commencer à voir une petite licorne qui va lui parler, qui va le suivre partout. Et cette petite licorne, il n'y a que lui qui peut la voir. Donc, dans un premier temps, il pense qu'il a pété un câble. Or cette licorne en fait va lui donner des indications pour l'aider à retrouver une petite fille qui a été enlevée par le Père Noël. Et mais c'est sa fille, hein. Et alors effectivement, spoiler, c'est sa fille. Merci pour c'est ce pas spoiler. On s'en fout, mais c'est on le sait dès le début. Exactement. Épisode 1, on le c'est sait. C'est vrai qu'on le sait rapidement. Et en fait voilà. Peut spoiler un épisode 1. Hein. Bah oui, ok. Spin-off, hein. Ça va. C'est pas un spin-off non plus. Et donc c'est une série complètement déjantée. La saison 1, c'est en 8 épisodes, donc on peut se les envoyer assez rapidement. C'est complètement déjanté dans le sens où le mec il est dans un état mais lamentable en fait pendant quasiment toute la saison et donc il fait équipe avec une petite licorne volante qu'il est le seul à voir et c'est assez différent de ce qu'on peut voir habituellement comme série policière en termes de ton. Ouais. Il y a des c'est situations. Tiré d'un comics, il me semble. Absolument. Un comics de Grant Morrison et Darick Robertson, qui sont également les créateurs de la série. Et voilà, c'est. Est-ce qu'il y a des moments où il s'arrête comme ça, il fait oh, je suis trop vieux pour ça. Il y a peut-être des choses qui ressemblent ouais, à ça, un mais. Petit peu. Mais ouais, de loin, ouais. Il y a une saison 2 qui est actuellement diffusée aux États-Unis, qui donc, j'espère, arrivera bientôt sur Netflix. On l'espère tous. Oui. Alors moi, mon coup de cœur, c'est The OA, une série Netflix aussi, parce que... OA, non, c'est OA. T-O-A, T-H-E-O-A. T'es sûr que c'est pas The Hopla ? The Hopla. Donc une série fantastique où on suit Prairie Johnson qui revient après 7 ans où elle a disparu. C'est vraiment son nom ? Oui, Prairie. Oui, je vais juste être sûr. Non, je te le confirme. Et elle revient après 7 ans où elle avait disparu. Et petit fait inhabituel, elle était aveugle quand elle a disparu. Et quand elle revient, elle a retrouvé la vision. Donc que s'est-il passé durant ces 7 ans ? Miracle. Nous allons le savoir dans la première saison. Et dans la deuxième saison, ça part totalement en cacahuète, mais c'est tellement bien. Voilà, donc je vous conseille. The OA. Tu développes un petit peu dans un autre podcast, du coup. Je développe un peu dans un autre podcast qui s'appelle Capteur d'écran, donc dans un épisode de... Encore non diffusé à ce jour. Non, je parle de la première saison déjà, dans l'épisode 4, il me semble, 4 ou 5. Et je parle de la deuxième saison dans un épisode 18 ou 19, je ne sais plus. Allez voir dans les descriptions du podcast. Très bien faite par notre ami Flavien ici présent. Bien sûr. La description. C'est toi qui mets les petits... C'est moi qui fais les descriptions. C'est toi qui fais les petits travails. Bon bah moi pour pas changer, je vais vous parler encore une fois de jeux Jackie vidéo. Et Michel. Ouais, c'est ça, je vais vous parler de cul. Non, je vais vous parler de jeux vidéo avec des mamans qui font du porno qui leur montrent à ses enfants. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. Non, bah pour ça je pourrais vous conseiller si ça vous intéresse la vidéo de la chaîne de Paul où il parle d'histoire. Bon, je vais peut-être parler de ça tiens pour une fois pour changer de jeu vidéo. Du coup la chaîne de Paul, c'est l'histoire. Pour Paul pour Jackie et Michel. Non. Non, en fait Paul c'est quelqu'un qui raconte des histoires de personnes. Par exemple, il a raconté l'histoire de... Bah lui, il n'existe pas, c'est personne. Bah, je vais vous raconter son histoire. Non, il a raconté l'histoire de... j'ai pas de nom comme ça, mais il a raconté l'histoire de Clara Morgan, donc une actrice ah ouais, X. Bah oui, c'est ça. Ah ouais, voilà, toujours dans le cul. Voilà. Il a raconté l'histoire de... Personnellement, je me serais appelé Clara Organ, mais bon. Il a raconté l'histoire aussi de celui qui joue Iron Man, Robert Downey Jr. Il a raconté l'histoire de l'Hungry German Kid, donc un mème qui a circulé il y a quelques années. Il a raconté son histoire. Et c'est des vidéos qui sont extrêmement bien fichues, où il va parfois interviewer des personnes, il raconte très bien. Et il utilise beaucoup l'effet de la... Disons que ça pourrait passer comme un podcast, mais ça s'écoute assez bien. Mais la vidéo est très bien fichue aussi, puisqu'il se base sur des images. Et il arrive à faire de l'animation avec ça. Juste avec des photos, il fait de l'animation. Donc voilà, c'est la chaîne de Paul et je vous recommande ça. C'est mon coup de cœur. C'est pas Logan Paul. C'est pas Logan Paul. Vous m'entendrez jamais recommander Logan Paul. Ah, je sais pas, moi. Voilà, Fabien, à toi. Nous avons en commun avec Matt un coup de griffe. Un coup de griffe. Attention. C'est un anti coup de cœur. Alors, pendant que vous enregistriez Knack, la Knack, le dossier, son histoire, sa vie, dans l'histoire, dans la musique, etc., nous jouions. À la télévision et tout ça. Je ne sais pas si d'ailleurs ça appartient à l'entreprise, si c'est la salle de détente ou si c'est quelque chose que tu as ramené spécialement. Non, c'est à vous. C'était le jeu qui était dans le pack quand on a acheté la Xbox. Vous décrire ce jeu. Tu l'as vu, Dédé ou... Ah bah oui. Moi j'ai vu. Moi j'ai on a joué un peu à Naruto Super Saiyan 2, comme ça. Et on a joué à Sega Superstar Tennis, qui était donc en bundle avec la console. Exactement. C'est ça. Et alors, on a joué, c'est un rip-off de Mario Tennis, on peut le dire. Exactement. Bon, on peut dire que j'ai gagné déjà. Ah oui, t'as gagné, c'est vrai. Pourtant, il était en difficulté, vraiment. Et voilà, tu vois, tu sais, dans le tennis, t'as toujours un moment. Il y a le mental, il y a le point de rupture, et là tu as les commentateurs qui disent là on sent quelque chose chez joué. En général, c'est que deux points après ils disent l'inverse. Parce il y en a eu deux trois des points de rupture, hein, faut avouer. Ouais. Et donc on a joué à ça. Donc c'est en gros, on peut jouer en simple, en double, en match simple. Il y a sûrement une histoire aussi. Nous on a joué en simple, en duel. Alors déjà, pour les vrais hommes, quoi. Ouais, en duel aussi, mais en l'occurrence, moi je jouais quelqu'un, je sais pas ce que c'était comme genre. C'était un petit personnage volant, c'était Knight. Et donc il y a c'est plusieurs bleu, personnages de l'univers Sega, puisque ça s'appelle Sega Superstar Tennis, je l'ai pas encore dit, je crois. Développé a priori par Sega, si j'en crois cette jaquette, et il y a un CD, hein, pour les plus jeunes qui nous écoutent. Pour Big Gaston. Sans l'estime. Je suis un joueur console à la base, j'achète encore des jeux en boîte. Voilà, je sans CD. Avec des cartouches. Avec des cartouches. Et alors, le jeu, dans l'absolu, bon, c'est un jeu de tennis. Le timing des coups, on peut dire qu'il est un peu random. Il faut l'apprendre. Ouais. Il faut l'apprendre. Hein, et puis voilà, c'est pas hyper précis. Ça s'apprend. Alors, il y a un truc, le coup de griffe, il vient pas contre le jeu en particulier, qui est un jeu de tennis. C'est contre les pouvoirs. Non plus, mais si. L'animation des pouvoirs. Les déplacements qui sont assez flottants. T'as un personnage mais non, qui on a qui volait un point précis. Quel est-il? Les chutes de framerate. Ouais, c'est incroyable. Quand tu joues et que la balle s'arrête en plein vol. Le framerate, vous êtes au point, c'est le nombre d'images par seconde. Normalement, l'œil humain n'est pas capable de distinguer au-delà de 24, mais c'est du bullshit, parce que si tu joues à un jeu en 60 fps constant ou en 30 fps constant, tu vois la différence. Tu la sens dans ta main, dans la souris. Et donc là, je pense pas qu'il est à 60 fps jamais, mais par moment, il tombe à genre 6-7 fps, je pense. Oui, à des moments, c'est un peu compliqué. Oui. Et c'est incroyable. C'était un peu notre coup de griffe et les temps de chargement aussi, pour ce qui est affiché. Voilà. Un petit coup de griffe. Pour le framerate de Sega Superstar Tennis. Mais merci quand même de l'avoir emmené, ça nous a dit. Exactement, ça a diverti, c'est le principal. Et Matt a gagné. Non mais il y a des colères saines. Oui, je pense pas que... C'est pas de la colère, monsieur Sarkozy. Alors moi, je vais vous parler d'un concert qui est disponible sur YouTube. Le concert de Black Bomba au... Balabala la Bomba, non, c'est pas... Non. Black Bomba, et Black c'était, Mamba. Mince, comment ça s'appelle, le site qui vendait les t-shirts, le Goéland, exactement. Donc le concert de Black Bomba au Goéland. Et c'est un concert, donc, si vous voulez un peu le genre, c'est du hardcore français, on va dire, voilà. Et c'est vraiment un style que j'apprécie beaucoup, mais c'est vraiment, par exemple, pour bosser, j'aime bien, tu vois. Et c'est qu'il y a des... Les collègues, ils aiment. Non, pas trop les collègues. Je le fais aller aux écouteurs, tu vois, au casque. C'est plus personnel, tu vois. Et justement, tu vois, c'est pas, tu vois, ça bourrine, ça bûche, tu vois. Ça bûche rend bien. Mais t'as toujours ces... Donc il y a deux chanteurs, un qui chante la voix grave, quoi, où il scream, et le chanteur qui a une voix aiguë et qui est vraiment, comment dire, quand ça bourrine, on va dire, c'est assez. Il y a beaucoup de basses, quoi. Et d'un coup, quand le chanteur chante, et ben lui en fait il dégage vraiment de l'air, enfin comment dire, c'est vraiment une sensation qui est sympa et que moi j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est... Il chante aigu, c'est ça? Oui, exactement. C'est comme Thérion. Non, je pense pas, non, oui. C'est pas trop. C'est vraiment sympa, quoi. Donc moi je l'ai déjà vu en concert une ou deux fois et c'était vraiment un truc cool, quoi. Voilà, donc c'est quelque chose que je réécoute régulièrement. Donc voilà. Du conseil. Un petit conseil. Vous écoutez Black Bomba au Goéland. Avec vos collègues. Alors justement, il y avait. Je ne sais pas ce qui se passait, mais ça. Mais ça se passe. Vas-y, des déchutes. On continue. On a fait le tour. Bah oui, on peut clôturer. J'avais quand même quelques petites blagues que j'avais préparées un peu. Ah oui. Ouais, parce que je me disais que ça manquait un peu de blagues. C'est après le générique, non? Ah, mais j'en ai quelques-unes. Donc, il y en a une avec Mayer Charles que je réserve pour la fin. Mais une petite là que je vais faire tout de suite. Donc, c'est Élise, c'est la jeune stagiaire qui travaille avec Magic Jack. Elle a remarqué que son mentor a la braguette grande ouverte. Alors, elle l'appelle. Non, regarde pas, c'est Magic, c'est... Magic. Et Magic, il n'entend pas. Alors, elle s'éclaircit un peu la voix. Jacques, la porte du garage est restée ouverte. Magic, il lève la tête. Il la regarde. Elle le regarde. Il la regarde. Elle le regarde. Et Magic, il ne comprend pas. Alors, elle lui mime un peu. Magic est un peu con. Ah, là, sur le coup, là, il est un peu con. Alors, elle lui mime et maintenant, tout est clair. Alors, Magic, il se retourne. Un reste de pudeur, peut-être. Et il ferme sa braguette. Mais il a quand même conscience, tu vois, qu'il n'a pas brillé sur le coup, là, quoi. Et alors, il essaye de... Il se met en tête de rebondir sur la situation. Hein. Exactement. Et donc, il lui dit, j'espère que vous n'avez pas aperçu l'avant de ma DeLorean DMC-12. Hein. Elle lui répond, non, juste une vieille 205 L Charo avec deux pneus crevés. Classe. Ça, c'est classe. Et c'est vrai. Exactement. Ça, c'est dans l'histoire, parce que dans la vraie vie, Magic Jack, c'est le plus intelligent de la propre podcast. On peut le dire. D'autant que c'est le seul qui est là. Ça, c'est vrai. C'est le plus fidèle. Ouais, voilà. Mais bon, enfin, intelligent, sauf au niveau du QI. Frankenstein in Shanghai, everybody wants to see. Frankenstein in Shanghai, everybody wants to be. Bon alors, les amis du chat, on a un vaste débat. Est-ce qu'on peut quand même écouter du Phil Collins en sachant que c'est de la merde, mais qu'il est sympa? Voilà. Bon courage. Exactement. Je te remercie d'être venu. Voilà. Au revoir, donc, Benoît. Comme toi, moi, j'ai retenu ton prénom. Tu vois. Exactement. Personne. À la honte. Personne n'a retenu. Bon. Une petite histoire de Maillard Charles. Donc Maillard Charles et Deschutes sont deux bergers qui discutent. Alors moi, Maillard Charles, je comprends pas. Mes brebis, elles ne portent pas de petits agneaux là, et pourtant elles ont tout ce qu'elles veulent quoi. C'est le bélier qui est pas assez sexy, hein, il les excite pas. Alors Deschutes, il lui dit bah, écoute, c'est simple. Hein, moi, j'utilise une technique ancestrale. Demain, au lever du soleil, tu fais monter les brebis dans ta quatrelle, tu les emmènes dans un beau pré. Hein, bien vert, tu les alignes, tu baisses ta salopette et tu leur mets un petit coup à chacune. Et le lendemain, au réveil, si elles sont à l'ombre, c'est que ça a marché. Et si elles sont au soleil, bah, c'est qu'il faut recommencer. Alors donc le lendemain, Maillard Charles, il met ses brebis dans la quatrelle, il les emmène dans son plus beau pré, le plus verdoyant. Il les aligne, hop, une à côté de l'autre, et il les met un petit coup à chacune. Donc au réveil, il ouvre les volets et il regarde. Et les brebis sont au soleil. Enfin, il retourne voir Dédé. Hein. Il lui explique. Alors Dédé lui dit bah, « T'inquiète pas, Maillard Charles. Il faut recommencer hein, chaque jour jusqu'à ce que ça marche. » Et donc le lendemain, il fait monter les brebis dans la quatrelle. Il les emmène dans son plus beau pré. Hein. Et il leur met hop, deux petits coups de poux, deux petits coups hein, à chacune. Alors le lendemain, au réveil, Maillard Charles il demande à sa femme « Ah, s'il te plaît, là, ouvre les volets là, et dis-moi si les brebis sont à l'ombre ou au soleil. Bah, sa femme, elle est étonnée. Hein. Elle râle. Elle fait, toi, avec tes brebis, hein, tu commences à me gonfler. Hein. Elle ouvre ses volets et soudain, elle s'écrie. Oh, cop, putain, mine ramoule. Maillard Charles, il entend un klaxon. Mais il y a vos échats, vos spélites. Et sa femme, elle lui répond. Les brebis, elles sont toutes dans la quatrelle et il y en a une qui est au volant et qui klaxonne. Ah bah bravo.